The Anal Fuck tonight on Nuisances. The Anal Fuck. Il se concentre. Il clique sur un bouton. Attention. The Anal Fuck. Ce bruit déprimant non. qui vient de nulle part. Toujours pas. Oui, un peu de l'haut-parleur, du caisson. Toujours du poste pas de radio. De là. Toujours des voix qui disent, qui okay, parlent et qui pensent. Pas le bon. À haute voix. Je suis un chenapan. Toujours pas le bon. Une brebis égarée. Toujours pas le bon. Ni la brute. Un usurier en liberté. Ni le fédéraste. Le pédéraste. Le truand. Le gland. L'abîmé du rectum. L'imbu de sa personne. Le. La prost du prout. L'état de prostration. Le pacifiste du colon. Et le pacifiste pacifique colon, sans anus, à l'anis. Oh non. Sans alcool. L'irritation divers et variée. Ah putain. C'est pas recommencé quoi. L'hivernage ah ouais. des huttes. T'as quelques difficultés. C'est bon. Ah, tu l'as allumé ? Ça me tombe pas que ça marchait pas. Ah. Ah, on va recommencer. C'est intéressant. Intéressant. It's very interesting. Intéressant. Ah merde, je me trompais. No. Can we listen? Can we listen to the fuck? Please let me listen to the fuck. Piano. Oh fuck this me. Is, piano, you know? What is the word for a muet piano in English? Because it's my Portuguese is kind of soft. Soft beat. Oh. Soft beat. Mordre quoi? Au travers. À l'endroit, à l'envers. C'est grave. Hé, t'entends quoi là? Du tout. Quoi de neuf, Doc? Putain, ça marchait très bien. Modulation max. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils perdent la tête, hein? Oh, t'as entendu tous ces gens qui ont joué? Oui, non mais c'est... ils ont marqué un but. Ah. J'ai jamais joué en faisant du foot, moi. Pourtant... au moins une fois. C'est vrai? Ouais. Ouais, à la limite, quand je vois mon propre foot, là c'est bon. Mais quand je vois le tu foot. Des une deuxième autres... fois par-dessus? Non, non, non, non, c'est que moi c'est, je m'en fous de voir le foot des autres. Mais moi je jouis quand je vois mon foot. Mmh. Ou alors faut que ce soit le foot d'un très bon ami. Il faut si dire je vois que... quelqu'un qui. Un très bon ami à moi qui répond son foot, et ben là, ça, là d'accord, là je joue. Mmh. Et je me mêle à lui, on balance du foot aussi quoi. Ah ouais, putain, ouais. Ah ouais! Ouais, c'est. Je me suis aperçu de ça. Mais les foutres ont bien de l'histoire. Ouais. Ah ouais! Si on y met les pieds et le cœur. Ah j'en chie, ouais! Ça résume toute la psychologie moderne, ça. Plutôt modale, en fait. Mais j'en chie grave, là. On est passé de la psychologie modale. Quand on a rien à foutre, eh ben, tu frappes sur tes poubelles. Je frappe, en général, je préfère frapper sur les poubelles. Parce que ça leur arrive pas souvent en fait. Les gens qui caressent dans le sens du poil. Et moi, je préfère les caresser sur les poubelles. Ça les rapproche de la poubelle. C'est les poubelles, en fait. Je préfère les ramener comme tu veux en dehors. Elle, quand je joue sur les poubelles, je vais les ramener. Elle, je vais plutôt aller dans la poubelle. Il y a parce qu'on dit qu'il y a mon chef. Ah ouais. Il arrive. Il arrive. En fait, il a pas de cul, il a pas de cul, mais ça s'appelle moi, s'il a pas de chef, c'est pas un chef. Il arrive, il a mon chef. Tu vois, là c'est un chef, il a perdu sa chef. Même s'il est dans le lieu, il y a plus de chef que là. Il a checké, t'as un chef, il a plus de chef. La place est toujours sur le cadre et sur le jet de travail avec les thank you. There's a beautiful place in Toulouse, it's called Canal Sud. Oh yeah, baby. Tes influx nerveux, parce qu'il y en a beaucoup trop qui passent et tu risquerais d'être boulimique et d'avoir des pathologies graves. Je mets ça sur le pouce. Ouais, si ton cerveau est dans ça ta sur main, le foutre. Si ton cerveau se trouve dans ta main, c'est le mieux. Ou si tu te branles trop, ça marche aussi. Comme ça, je régulerai mon gland. Fais gaffe à pas t'irriter non plus. Ça y est, j'ai trouvé un piano, mec. Quoi, bah, j'ai envie de venir alors. Bah viens. Me voilà seul. Me voilà seul. Ils sont tous partis. Ils m'ont laissé. Alors je continue à tourner en rond. Le bruit ne me perturbe pas, car je n'entends plus rien. Je m'en fous, je suis seul et je suis heureux, car moi je suis. Alors je continue à tourner en rond. Chacun des pas m'aide à me dire que je suis encore vivant, car au fond de moi je suis mort. Et même la mort ne m'aime pas, car elle m'aurait déjà sauvé de la vie. C'est triste, et ça me fait jouir. Une passion, une émotion. Mon cœur commence à bondir, et moi je marche encore. Je tourne en rond autour des micros. Chacun de mes pas est un mensonge de plus. J'ai battu ma femme. Mes gosses vivent encore. Ils battront les leurs. Une femme vaut mieux que deux. Deux femmes vaut mieux que quatre. Quatre femmes vaut mieux que six. Je suis un enfant des fables. Un enfant qui ne veut pas grandir. Je suce l'évitation. Ma vie est un tourment. Je continue à marcher, je tourne en rond. La fatigue arrivera. Et moi je serai. Oh my god. Oh my god. J'arrête pas d'arriver. Tu continues à tourner. My god, Michel. Mouvement incessant, perpétuelle obsession. Quand est-ce que ma vie s'achèvera? Oh. Autour de la lumière rouge, mon corps ne fait que tournant. L'alcool commence et ne finit pas. Comme la drogue au rang de moi. Et mon corps mourra. Je ne suis plus. J'ai continué et je suis seul. Mais l'autre est avec moi. Celui qui est tout au fond de moi. Le tout petit, tout petit, tout petit. Mais je continue à tourner en rond. Oh non. C'est comme que ça s'achève. Pas ça. Pas ça. Oh non, pas ça. Oh non, je veux pas. Ils m'ont retiré ma voix. Je veux pas. Ils m'ont retiré ma voix. Je veux pas que ça s'arrête. Jamais. Thank you. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils sont toujours été là. Cachés en dessous des semelles. Ils ont une odeur en bruit. Oh yeah, baby. Les membres touchés, on les ressent. Oh bébé. Bébé, je t'aime tellement, bébé. Ils sont parfois méchants et des fois gentils. La substance qui me fait vibrer à l'instant. Fais-moi signe, bébé. Fais-moi signe. Aidez-moi. Fais-moi signe, bébé. Je suis parti. Je suis loin. Je n'arrive pas à retrouver mon chemin. Aidez-moi là. On merde. Moi non plus je trouve pas mon chemin. Je suis perdu aussi. Aidons-nous. Viens vers mon chemin. Je t'aiderai comme tu m'aideras. Non, t'es perdu, je vais pas aller vers toi. Mais toi aussi, tu es perdu. À deux, nous serons plus perdus. Alors je reste là alors. Non, attends. Non, jamais, t'entends? Jamais, non, bébé. Allez. Jamais, bébé. Allez. Jamais, je t'aimerai, bébé. Non. En fait, je te déteste, bébé. Non. Écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est actuellement 21h35 dans les locaux de Canal Sud, donc sur le méridien de Paris, France. 34 et 35 secondes. 21h34 et 40 secondes à présent sur Canal Sud. Avec mes invités et moi-même dans l'émission Nuisance. Merde. Merde encore. Merde à ton cul. Mozart dans la salle. Il interprète son opus 45-22, page 34B, du volume 56 de la suite 2, par l'exquis Jean-Marc Fussoir. Serge. Pardon. Qui fleure bon la viande. Et c'est tout. Merci monsieur machin, truc, bidule, et ça fleure la viande et ça pue. Et c'est tout, pardon. C'est officiel, les micros sont neufs. qu'est-ce qu'il a fait encore? Je comprends pas les gars, j'entends rien de ce que vous me dites en fait. Quoi? Rien, que dalle. On a changé d'opérateur. Non mais là je suis en train de penser à ce que je dois faire demain, excusez-moi mais je suis pas avec vous là. Ah. Enfin, j'en ai rien à foutre de vos gueules. Alors, on peut pas faire 23 choses à la fois, c'est pas possible. Ni deux. 22 ou 27 mais pas 23. J'ai trouvé un ami avec qui tourner en rond. Et on s'entremêle. C'est bizarre, je ressens une douleur ni aiguë ni grave derrière mes fesses. Ah. Arrêtez, c'est pas marrant ça. Qu'est-ce que vous faites là? J'en ai parlé à ma dermatologue, mais elle a pas compris d'où ça vient. C'est le rythme incessant de l'existence. Tout être vivant connaît le bruit de ses pas. Alors se connaître, c'est mieux connaître les autres. Alors je dirais que... Connaître, c'est naître d'un con. D'un con. Nous ne connaissons tous d'un con, et par nous connaissons le con de l'on est, nous sommes des bêtes de somme qui tournent toujours autour d'un con. D'un con? Sans savoir ce que nous allons faire naître. Alors de la douleur naît la mort, et de la vie naît la douleur. Et alors c'est un cercle qui tourne, qui est en forme de rond, et qui continue à se mordre la queue. Après le con, la queue, évidemment. Non, on ne veut pas que ça répète. Je m'arrête ici. Je lâche un paix. Et la queue entière peut faire le cul. Ah, ce n'est que deux ans après l'événement que nous pouvons prendre le recul. Tiens, j'avais pas prévu ça. J'y vais. Je vais voir ce qui se passe derrière la tenue. Alors je suis allé derrière la colline, petit beurre, et il y a des gens qui cherchent quoi faire. Et ils savent pas. Enfin, il y avait quelqu'un qui m'a dit, moi je sais quoi faire. Mais après ils l'ont fait taire. Et du coup on est au même point. Mais on devrait le revoir. Moi un jour j'ai vu un homme manger ses excréments. Il avait des sourires d'enfer. Et il m'a dit, souris-moi, toi aussi, et viens me rejoindre à ma table. On n'a ni faim ni froid ni soif ici. T'as entendu cette odeur? Comment je m'exprime? Je vous exprime très bien. C'est un jeune homme bien élevé. Il s'assoit à la table et il dit « Donnez-moi une fourchette au moins. » L'homme sauvage, qui connaît la joie de vivre, lui dit avec ton doigt « Macère-moi la peau. » Je répands ce qui sort de mon foie. Ce qui sort de ton trou de balle. Tu répands la merde partout sur terre. Tu t'en es fier. Supériorité. T'es content de te puer du trou du cul. Je suis un colon. T'en es content. parce que t'en as plus rien à foutre de personne. Tout ce qui sort du colon. T'en as jamais rien eu à foutre. Et pur. Et toi, petit beurre, dans ton pays ensoleillé, tu n'avais rien demandé. Et pourtant, le colon est venu à toi. Et sa puanteur t'a ébranlé dans ta foi. Maintenant, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Alors tu bois le lait au sein que je te donne. Et tiens, si tu n'as pas encore compris, voilà. Confiture d'anus en direct. Nous tenons à rappeler que le concours portant sur la triennale tient toujours. Il faut se présenter donc, dans les locaux de Canal Sud avec trois. Vous devez être quatre donc, pour pratiquer la triennale. Et il ne faut se servir que de son corps. Encore une fois ma foi. Plusieurs fois. Et je ne dois plus me sentir à force de répandre ma foi. Car moi-même je sais qu'elle est puante. Il faut bien savoir s'entendre avec soi-même pour comprendre son foi avec son estomac. À chacune de mes sous-jacente envie, j'éjecte une substance qui fait dire aux autres il est passé. C'est lui, il est là, il a fui. Et moi, tôt ou tard, je me chierai dessus. Alors autant se chier dessus maintenant, voir la vérité en face. Longtemps, même si la vérité est postérieure et par conséquent qu'elle nous pète au nez. Longtemps, j'ai cru que l'odeur était un sens propre et j'ai compris que ma maman n'était pas si propre que ça car elle m'a fait d'une couleur pas très jolie. Une expression courante justifierait ce concept, cette complaisance à dire que les autres sont différents. Je sais, petit beurre, tu me l'as dit, t'es vert, t'es vert qu'à quatre doigts, car ta mère t'a fait avec ses doigts et elle t'a fait couleur caca, quatre doigts. Je viens de me plaindre. J'ai propulsé deux légères vesses. Père. Il faut dire que celle-ci, elle était moins bardée de foie. Je quitte la maison. Le caleçon est pour moi trop étroit. Alors je quitte l'endroit. Que la poésie soit un verbe et que l'adjectif ne soit qu'une existence de mal-être et de chiottes, putain de crottes de merde, enculé de race de putain de chiottes de merde, quoi. J'en ai marre, t'entends, j'en ai marre. J'en peux plus. Voilà, vous avez entendu la fin de... Attendez, je vous laisse apprécier. Putain, non, ça veut pas passer. C'était pas. Donc 10 chefs-d'œuvre de l'érotisme par Alal, le héros en sandales. Le héros au nup chaud. Yeah. Nuke show. Yeah, baby. Yeah. Come on. Oh, yeah, baby. Fuck me, baby. Come on. Fuck me, baby, please. Fuck me in the head. Fuck me. Fuck you. Fuck me. Fuck you every day. Fuck me again, yeah. In every position. Oh, yeah, baby. Ouais, yeah. Tu vas voir. Oh yeah, baby, fuck me again, yeah. Oh yeah, I want you to fuck me, baby. Yeah. Oh, je voudrais que tu me fasses l'amour tendrement et gentiment. Yeah. I want you to fuck me hard, so fucking hard. I'll bleed to death. I'll fucking bleed to death. I'll bleed. I'll bleed, bleed, bleed, bleed. Oh, boogie boogie. Oh my god. Oh my god. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah, fuck me. You're so beautiful. Car les guides eux-mêmes ont le vertige. De pousser, j'argumentais en aucun but lieu, non tellement parce que... C'est contre l'imposture religieuse et les ligues de vertu que le homard s'est insurgé. La pince t'a choisi, mais contre ceux qui, profitant du silence du ciel, remplissent le monde de leur vocifération. Vociférations. Excuse-moi, j'ai rien compris, tu peux parler de ma bite? Pas de problème. Mais c'est bien. Ne t'éloigne pas trop quand même. Ah mais je suis juste dedans là. Et je t'ai bien en main, mais si tu t'éloignes trop, j'ai besoin de tirer très fort. Ne me touche pas. Alors, je t'attacherai. Attache-moi et frappe-moi avec ta bite. Bien sûr. Je veux que tu sois heureux, même un instant. Cet instant, c'est ta vie. Je suis pas heureux, je suis heureuse, moi. D'accord. Je suis quelqu'un d'heureuse, tu vois. Puisses-tu être ce que tu veux au moment où tu veux? Ah ouais, je veux tellement être. Tu vois ce que je veux dire? Être baisé, quoi. D'accord. Et moi, j'aime bien t'avoir, quand tu veux être. Mais comme tu ne sais jamais ce que tu veux être, je peux toujours t'avoir. Mais attends, je t'ai pas baisé encore. Donne-moi une seconde pour savoir quoi être. L'objet de l'existence ne fait qu'apparaître son affirmation. Quoi? Dans tout un jour, la brise a déchiré la robe de la rose. Rire de moi, rire, rire de son côté, ce démon qui est nuancé, objectivité. Il faudrait que l'objectivité soit l'ondivité de la démonstration. En remettant au principe du scientifique, et où, comment, pourquoi, où est donc Ornicard, à d'autres faits, il le fait, il lui sera difficile de se faire entendre. Par exemple, l'adversaire dit, au cours de la formation des montagnes primitives, la masse à partir de laquelle le granit et tout le reste de ces montagnes. Comme tu déraisonnes bien. Oh. Était liquide. Oh. À cause des chaleurs de toutes les fontes. La chaleur devait être environ de 100 degrés. À peu près. Très amu. Quand? Et la masse de cristallisante au-dessus de cette surface de la mer qu'il a pris. Recouverte par le cul. Ensuite, nous avancé de l'argument dans la chatte. Odirios. Du cul. Par l'abjecte position de la pénétration, pourtant, dans laquelle la mer toujours pareil murmure et hurle de mille saveurs en travers, dans ses biens avant ou après, pourtant après, vers les 80 degrés de chaleur tropicale que la mer ne pourrait mise et ni effleurée ni ébouillantée. Eh bien, c'est justement à ce moment-là que la merde s'écoule lentement et le désir continue à ébouillanter le corps qui n'éclame et ne rit. Toujours explosion de puanteur. Quand éjaculation il y a. Par nous battre, il faudrait démontrer que le point d'ébullition ne serait que le dépend de celui qui observe la dépendance de l'ébullition et la température en elle. qui est pourtant mon briquet n'est pas un briquet à emprunter. Mon briquet doit être rendu en main propre. De celui-ci, en main propre. Le dé de l'exprendre, t'as pas lavé tes mains. De moitié de la mer, jamais ton temps. Il est vrai. Et je suis porteur. Aurait tellement augmenté qu'il ne saurait, aurait, mais non, aurait de plus que ne pourrait. Que les pulsions de même que de 200 degrés réunirait. Si je n'avais pas répandu cette faune fertile dans ton anu, jamais tu ne pourrais évacuer. Il ne fait que par écart. Il ne fera pas quart avec le non physique. Il n'y faudrait une véritable conférence. C'est pourtant précis que la possibilité, toujours une émancipatrice, d'un jubilatoire en travers de sa gorge traviolée par un enculé de bâtard. Ensuite, le domite, le bec, appréciant à la gorge, une bite encore dans la bouche. Émancipé du slip. Il secoua la bite, et une goutte de foutre coula de sa bite toute neuve, qu'il venait d'acheter chez Botox et compagnie. Oh, comme le monde est périssable. Que la vie est belle, il dit. J'ai enfin une bite à moi, une bite à partager avec les autres. Avec qui vais-je la partager? Avec Biquette, ma chèvre préférée? Ou avec Germaine, ma tante? Plutôt non. Je vais partager ma bite avec mon cul. Mon gros trou du cul. Et vu que ma bite est bien longue, je vais pouvoir enfourner ma bite dans mon trou du cul. Et je vais pouvoir prendre du plaisir à trouer mon cul. Tellement j'ai une bite longue et grosse. Oh, mon Dieu, comme c'est humble. Que la vie est belle. La diversité. Et désintéressée. La diversion est la plus et intéressante. Quand elle abandonne le complexe objet du débat. Oui, le commencement ne fait que faire exemple. Oui, je justifie. Oui, j'apprécie. Oui, je confie. Je me confie à celui qui m'entend et je n'entends que celui qui me parle. Dis-moi, connard, confie. Que le vin dans la coupe est un gracieux esprit. Peux-tu faire des rimes avec un ukrainien qui ne craint rien et qui ne rime à rien? Oui, justifiement. Ah ou. Ah ou. Oh baby, baby, I love you so much. I wanna fuck you in the toi. Ass. Oh baby, baby, I love you so much. I want you to suck my pussy, my dick, my asshole. And feathers plucked in my asshole will be put up my ass and fucked again. I love shit, I love shit, I love you. I love shit, I love shit, I love you. La dialectique ne peut qu'être le concept conceptualisé d'une personne. C'est trop clair ce que tu dis. Mais qu'est trop clair. Qui peuvent être compréhensibles par l'auditeur. Pardon à des stéréotypes. L'abject et encore l'abject et re-abject une irritation qui s'élève comme un chant magnifique. Je n'entends pas ce que tu dis. Et je ne saurais plus arriver à la suite. Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'entends pas. Je hais l'esclavage de ta pensée. Je hais la bite. Oui, oui. Mais au lieu de gémir sur le sort de l'humanité... L'amour, la gloire et la beauté. L'esclavage de la pensée. Mythe ou raison? Mythe. Mythe qui troue nos raisons telles des vêtements de pacotille... Et du cul. Et oubliés dans un placard, comme nous tous. De la chatte. Des culs qui s'ignorent, des chattes... Qui signalent. Qui sont faites. À grands signaux de détresse... Qui sont en forme. Combien leurs fesses sont attractives... Qui chinois. Pour nous revenir frais et sur le rivage. Qui chinchouette, quoi. En quatrain, préférant la grossesse et la jouissance. Que la grosseur et la périssable. Éphémère, aux vérités érigées en phallique raison. Comme émancipation. En dogme. Ou en précepte. De bonté et d'avarice. Qualité somme toute humaine. Et très clarifié par la mixture du beurre avec le lait. Laideur. Qu'est-ce qu'on se l'écaille? Les miches. Les loges qui pendent. Les loges qui pendent. J'appelle d'ailleurs, les loges qui pendent. Je me suis fait avoir une seule fois comme ça. Les la loges fille qui avait pendent. Vraiment l'air d'avoir un balcon garni. Puis. T'as les loges qui pendent. Elle a enlevé son truc. Je me suis fait. Oh là là, je me suis fait. T'as les baloches qui pendent. Des espèces de gants de toilette. Les baloches qui pendent. Qui voilà, pendouillent. Les loges qui pendent ou les baloches qui pendent? Malfaçon, vis caché. Les loges qui pendouillent ou les baloches qui pendouillent? Qui pendaille peut-être? Oh, laisse-moi te parler, bébé. J'y ulule. J'aime tes loges. Boule. J'aime tes belles loges qui pendent. Je voudrais toucher tes loges qui pendent. Yes. Et les lécher yes. Aussi, tes loges. You're looking for a good time. Boys. Boys. Boys. Je voudrais lécher tes loges. Oh yeah, to speak boy. Lash my lush. Lick my lush. Lush life. Lick my lush. You know. Yeah, lick my lush. Lick my pussy. Lick my lush, baby. Don't touch my asshole. I only want you to touch my pussy. Do not touch my asshole. I want you only to touch my pussy. Do you understand? Do you understand? Je parle pas français en fait, j'ai juste envie de te défoncer le cul. Seulement la chatte, bébé. Mais en anglais, je peux le faire. Défonce-moi seulement la chatte. Je peux défoncer bébé. Le cul, mais en anglais en fait. Oh, dada, l'expression c'est difficile, tu vois. On peut tout et rien dire à la fois. C'est incroyablement con. L'expression. Qui a des loges qui pendent? Qui a des loges qui pendent? Mec, qui a des loges, t'as des loges qui pendent? Et c'est des baloches. Pour la triennale, puisque les loges qui pendent permettent effectivement d'adopter une position avantageuse pour 4 ou 5 partenaires. Mais là, bien sûr, ça ne fait pas partie du concours. Le concours, c'est uniquement donc NPC. Uniquement? Uniquement. Et... Les baloches qui pendent. Dans un mouvement de va-et-vient. De... Bon, j'en ai marre. Hein. On va dire que c'est moi qui fous un matériel et en fait c'est tout le monde. Tout le reste du monde. J'en ai marre. C'est toi qui fais du meurtre piqueur. T'es vraiment violent. Alors là, il y a des marque-pages dans ma tête et ça me permet de... Il y a des trucs des fois que j'avais pas retenu. Et d'où une petite page? Parle-moi des pages. Alors, page il, elle, XXX1. Chaque goutte que laisse tomber à terre les chansons éteint le feu de l'angoisse dans un œil attristé. Gloire à Dieu, tu admets donc que le vin est un baume qui allège ton cœur de catin. Excuse-moi, oui. Gloire à Dieu, ça n'a rien à foutre là. Catin, je veux bien, mais gloire à Dieu, non. Quoi. Non. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, ah oui, c'est, en fait, c'est un truc. Je sais pas, il voulait parler des. Non, des m'explique dieux. Pas ça, m'explique pas ça. Hey, de... C'est tabou, Dieu, c'est tabou. On parle pas de Dieu chez les anarchistes, c'est tout. Moi, je. pourtant je vis sur un... Tu l'entends frapper à la porte ? Je vis sur un tas de boue et ça n'est pas un tabou. J'en ai rien à foutre de ton tas de boue. À tous. Et à tous les toutous. Sur mon tas de boue, je montre mon bout. À tous les toutous. Oh yeah. Oh yeah. C'est difficile aussi d'improviser sur un tas de... d'interférences. Interférer avec le public, ce serait idéal. Mais est-ce que quelqu'un nous écoute ? Bon, d'accord, il y a trop d'interférences, alors j'arrête. Mais ils n'ont pas la référence. Ah oui, mais là, on est seul. On peut interactiver. Ça y est. On peut interactiver nous-mêmes. Oui ? Avec nous-mêmes et toi. Je sais que, tu vois, je peux te toucher, en fait, et... t'es vachement différent de moi, quoi. Est-ce que tu entends ce bruit ? Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est vachement différent, ça. La radio toulousaine Canal Sud est là pour vous offrir des programmes, plein de programmes, des super programmes que vous pourrez écouter et seulement écouter. C'est une radio. La radio Canal Sud est une radio avec un lieu. Un lieu, c'est le 40 rue Alfred Duméril au 31 400 Toulouse. Vous pourrez venir voir les gens de Canal Sud travailler dans leur bureau. Toute la journée, de 10h à 17h, ça, toute la semaine, sauf le week-end. Vous pourrez découvrir les toilettes de Canal Sud. Les toilettes de Canal Sud n'ont pas de papier toilette. Amenez votre propre papier toilette. L'eau a été coupée à Canal Sud. Autant que l'électricité, car nous sommes dans une époque moderne où les phytolactères n'auront pas notre peau. Ni notre pauvre connerie, ni de peau de vin, ni quoi que ce soit de chambré comme un pot. C'est dur de lire ça, hein. Et la radio Canal Sud est la meilleure radio du monde. La meilleure radio du monde. La radio Canal Sud. Canal Sud. Répemel Tov Stum Niv Stum Non Enek Ed Répenem Men Mel Oh shit. Tu as Niv. Attends, je te surprends à lire l'hébreu quand même. Tiatre Ni Nert Nert Non, Nert Non, c'est pas Nert. Non, c'est allemand ça. Tiatre Ni Tiarknu. Ah oui, Tiarknu. Ah ouais, Tiarknu. Ah ouais, Niv. Ah ouais, Niv. Ça claque des vides comme ça, franchement, trop belle la langue. Ah ouais, c'est grave, c'est trop cool, hein. Vas-y. Avec, oui. Ah oui, mais c'est... Ouais, un Nechpo. Mais le problème, c'est qu'avec la prononciation, tu sais, il faut... Peut-être. Mais en fait, c'est difficile de dire une phrase qui a du sens sans percevoir le sens de ce que tu dis. Ah, moi, mais j'adore. Moi, je pense qu'on peut en fabriquer à partir de rien. C'est-à-dire, là, on essaye de le... De le rendre sensé. On le vit, vraiment. On l'incarne. Et les gens vont comprendre, du coup. Si on l'incarne. Ouais. Ok. On l'incarne, c'est-à-dire... On l'incarne. Chaque lettre. Hein. Dans nos chairs. Tu vois, qu'est-ce que t'as une voix, là. Tu as vu un peu. Aussi beau que tes yeux. Mais pourquoi tu... Ça fait deux fois, là, je commence à être troublé, là, je sais plus trop si tu... Moi, dans tes yeux, je vois les miens, hein. Ah bah ouais, mais moi, ça me... Enfin, voilà, l'amour est un peu cache, quand même, de bohème, et... Il n'a jamais connu de droit. Et deux fois... Donc j'ai aucun recours devant la barre. Vraiment. Alors, oui, bien. Enish, à l'aide... Tense, Hogan. Enish à l'aide d'un R.E.P. Mel René sort R.E.V.D. de terne Irnei Netsiak Edilef Eret de Sirte de Tinyop Aï Ne Ali Esirut Etener Azajou. C'est bleu. Azaouj Edzigen. Enasahe. Enasahe de. Edenzig. Enasahe. Ede Roser. Ne. Tener raccourci. Raccourci, you know. Chauffe, c'est plus facile pour un bocal. Mais la rime à l'envers, c'est so pour quand, ça. This again, it's another in the past, Rayonesque, poche, Rutra. C'est comme moi, hein. Rutra, S.A.N.A.L. C'est la pure création, je pense qu'il ne faut pas s'attacher à la suite. N'est pas responsable des déclarations des participants à cette émission qui est une émission d'expression libre artistique. Et non une émission d'expression tant soit peu sérieuse. C'est le Marco. Je vais s'excuser du contenu de cette émission débile. Et aussi l'émission nuisante de tout le monde. Elle lui a qu'elle a mis. Elle lui a qu'elle a mis. Yéval par. Rab. Rab. Eita. Eita. Ella. Kilahed. Esil. Esli. Esli. Ega. Yov. Ed. La Rioge. La Rioge. La Rioge. Nu. Tent. La Rioge. Nu. Tent. Rayu à une poche. Fuck. From the right to the left, and I put. Tant qu'on se comprend, qui a fait le premier? Moi, si je voudrais en faire un texte chacun, tu lis ces textes, tu lis ces textes. Est-ce que tu veux que nous le lisions. Ensemble? Ensemble et de façon musicale, d'un seul trait, en ancien François ou. Que j'ai dans me juge pas. C'est les marche pas. Les marche pas. Les j'ai mêlé dans ton dialecte amé quand elle vous rendez-vous. Vous jouez cette des charmes l'un de l'autre. Quand les chansons promènent le vieil Gahani. Souvenez-vous dans votre toast d'un malheureux qui vous fait cher. Fais-moi le malin, hein. On a des choses à dire pendant des heures et des heures, on s'arrête jamais, ouais, et après, maintenant vrai. Qu'on a plus rien à dire, on se tait, hein, c'est si ça, tu hein, c'est désires, ça. Aller vers lui, quitte femme et enfant, moi, courageusement. C'est par toi de tes proches oh, et de tes baby. Amis, n'importe oh, qui baby, sur ta baby, route baby. Te regarde baby, comment voyager baby, je t'aime avec tellement. Tous tes obstacles. Écartez-les comme les cuisses de ta femme, de ta merde. Si tu désires te faire sucer comme Farid à moins 10 degrés, oh, oui. Ne dis pas avec le vieux pelé, mais si appelle-le juste kebab, monsieur kebab. Mr. Panini. Oh ouais bébé, laisse-moi bébé. Oh ouais bébé, c'est dur de faire de la soul. Nabab, meuf des biais. You plank to vie dans un pain de kebab, yeah. Oh yeah bébé. C'est charmant d'avoir un tweet aussi chaud brûlant. En faisant pas de kebab, dans une pita. Ouais, dans un piteux état, la vie de Farid est toute cramoisie. Ouais, comme ce vin qu'il a mangé. Comme ce vin qu'il a bu, tout est cramoisi. Tout est rouge, rubis. Rappel au Nick. En perles des tulipes et violettes avec une nord-tête dans le jardin en vérité. Rien ne me ravit comme le bouton de rose qui semble ramasser autour de lui tatoue soyeuse. Amis, lorsque vous êtes réunis, il faut que vous pensiez tant que moi à moi. Quand vous boirez ensemble, vin généreux et que ce sera mon tour, videz votre verre jusqu'au fond. Quand Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Ah, tu vois, oh my god, que j'ai été au fond. Au fond de ton tion, tu avais une tunique rose. J'étais feuillé comme une rose jusqu'au fond. Quand tu me baises le trou du cul, j'ai envie de te sucer la bite. Et je t'encule à sec, enculé. Bâtard, va te faire foutre, bâtard de merde, va te faire enculer. Je t'aime pas du coup, t'es qu'une puanteur. Qu'est-ce que je peux pas t'aimer, quelle merde. T'es papa, maman, je vous encule. Le monde c'est de la merde humain. Les humains, ils n'ont humain que le nom. Et ils sont vraiment des cons. Et ça on le savait déjà, mais on sait pas parce qu'on est des gros cons. On ignore notre merde humaine parce qu'on est de la merde humaine. Et qu'on a pitié de nous Et on fait pitié au monde, le monde il veut nous chier, il veut y arriver, tant mieux. Bordel de merde quoi, on parle pas de Dieu à l'antenne, j'avais dit, tu sais. Putain, vous avez mieux le cendrier quoi, j'en ai marre, tout le monde il me vole mes trucs. C'est lui, donne-moi du feu. Et non, voilà, tu vois, j'en ai marre de la vie, c'est vous facile. Entendez les mecs, hein, j'en peux plus, je peux plus supporter ça. Jésus il crie sur la croix parce qu'il souffre tellement, Jésus sur la croix et qu'il crie. Oui. Il aurait vraiment crissé s'il avait une craie, mais il en avait pas sur la croix. Ouais. Ah la wa wa wa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ici à Lumi, l'immoté à Sosa, Scada, Rodun Tulsi Seponar, Nicolas Temora, Vilkena Sakumbelo, Sedo Sakumbali, Sakumbali, Sakumbali, on l'emmène à Tokyo, on l'emmène à la Mine de Tokyo, on l'emmène à la. Est en nous, arrêtons de se moquer de lui. Il est notre ami, il nous tient la main depuis que nous sommes tout petits. Dieu me tend la main. Il me tend la main, mais je crache dessus. Je crache sur sa main, je crache sur sa main. Il est ton guide. Ouvre-lui ton cœur. Il sera ton maître pendant une nuit ou deux. Et après, il t'aimera encore, car Dieu aime tout le monde. Homme, femme, chose, bête. Chauve, impotent, vous êtes tous et toutes aimés par Dieu. Et Dieu aime même ce que font les hommes, car Dieu est honnête. Dieu est grand. Dieu nous aime tous. Comme ma bite. Si nous aimons plus que Dieu. Car nous avons l'imagination et Dieu est celui que nous avons imaginé. Fut le temps où nous étions que des vers dans l'évolution. Que le singe soit Dieu et que l'homme soit plus qu'un singe. Grimaçant et objectant toute l'unité humaine. Nous sommes des êtres de compassion. Dieu est en nous, car nous sommes Dieu. Ensemble, l'un sur l'autre, nus d'espérance et même habillés de peau de couille, excréments sur le front honnête et le front vivant, Dieu est omnipotent. Dieu, oh quelle potence il a, le Dieu alors, bordel, sa potence, t'as vu la potence de Dieu, bordel. Il nous pénètre. Avec sa potence en titane. Il nous donne. Renforcé. Et en puis. En or, une titane en or. Avec il. Garni de poignets, en peau d'âne. Et ensuite. À l'analysé. Galvanisé. Il ne s'endort analysé. Pas. Analysé. Il continue. À l'analysé. Il continue. Analysé. Il nous met à l'analyser de fond en comble. Analyser. Aucune église ne pourrait le toucher. Analyser. Car lui le touche. Analyser. D'un seul mouvement. Analyser. Omnidirectionnel. Analyser. Il le conçoit le monde. Omnipotente. Comme celui que nous avons. Pluridisciplinaire. Au passé conçu. Avec un bec berceur. Il ne reste à plusieurs facettes. Le temps qui passe et le futur qui se met à lasser le temps qui est présent. De la douleur d'être un être humain. vois enfin Dieu, les yeux dans les yeux. Il m'est égal. Je suis revenu pour vous en parler. Un flash m'est apparu. La mort était à deux doigts de moi. Mes trois autres doigts étaient en lui. La mort est un homme et non pas une femme, car la femme est la vie, évidemment. Oh mais Théo, Dieu! Je voudrais m'excuser pour tous les propos de mes invités. Mes invités sont des imbéciles, heureux et malheureux tout à la fois d'être cons. Nous avons mordu dans la pomme. Et d'être bête comme je le suis, un imbécile, heureux et con, d'être bête et malheureux, bird. Putain! Faut que je recommence tout ce que j'ai fait. J'ai tout foiré ma vie. J'ai qu'à recommencer maintenant. J'ai qu'à tout recommencer. Il a pris le pâté de sable. Il est des nôtres. Et là tu fais ça. Je voudrais préciser que le thème de ce soir est l'intelligence chez l'être humain. Est-elle bénéfique ou maléfique? Est-ce que tu veux? L'intelligence. Est-ce que tu veux l'intelligence? Face à la sagesse, donc l'omniscience d'une potence. Est-ce énorme que tu veux? Dans le fut, hal de Dieu. Contente et potentable avec une potence en titane. Tous ces mots, en peau d'âne, analysé et galvanisé. Je voudrais préciser que le thème de ce soir était la potence de Dieu, l'énorme potence du Seigneur. Et Dieu. La théorie des cordes de la potence, n'est-ce pas? Et la théorie des cadavres purulents de Dieu. Qu'est-ce qui fait la valeur de la potence? Est-ce que c'est la rareté ou est-ce que c'est finalement le travail tutti quanti et valeur quantum analysé? Espresso con leche. Convient à l'utilisation des personnes âgées séniles. Cappuccino macchiato. Et millionnaires. Café au lait. Motherfucker. Café au lait et crémé. You can suck my. I can suck my own dick. And I'll fuck myself too. I'll take myself and turn myself around and fuck myself in the ass. Monsieur Laguerre et Cotaté Doli. Ah, Jogo Bonnet, Time to Cry. Blah! Canuto! Blah! Blah! Take it up! Okay, I don't want to. I'm not going to. I'm gonna say shit. I've said shit. If you want to see Sam Walker, Texas Ranger. You can kill. Je voudrais préciser your également que la stupidité humaine est bénéfique pour la stupidité. If you want to read. Le plus la stupidité règne. Elle sommeille toujours et se réveille quand elle veut. Surgissant en fait de n'importe où. Non, je suis pas d'accord, je trouve qu'on n'est pas assez taré, je trouve que les gens ils se sont chiés au bout du fil parce en que fait, ouais, à l'antenne que... ça sonne pas vraiment taré. Il faut avouer que vraiment taré c'est pas ça quoi. Et parce vraiment qu'on taré, s'observe trop, on s'écoute trop et finalement ça donne ça. C'est trop beau pour être vrai. Non, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être beau. C'est trop beau pour être vrai. On est trop vrai. On est trop beau et c'est pas bon. Pour être laid, il faut se battre. Alors se battre avec quel outil? Contre soi-même. Là, avec ses poings. Avec on se bat mais avec des choses inoffensives. Non, pour être laid, il faut se frapper ouais. Très fort plusieurs fois par jour et tomber dans les pommes à force de se frapper dans les tempes. Oh, c'est ça que je fais pas en fait. C'est ça qu'il faut faire pour être beau. Ah d'accord. Et ça et travailler aussi, trimer, gagner plein de fric. Bah, moi je travaille mais je me fais pas assez mal. Ah donc tu t'es pas beau, t'es laid. Voilà. T'as gagné. Ouais, tu es le premier à avoir gagné mec. Tu peux crever maintenant. À toi mec. Crois-moi, tu peux y aller maintenant, à toi de crever. Tu veux être laid ou beau ou quelque chose, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Sans niquer le micro, c'est possible. C'est quoi ce son? On dirait une bite. On dirait une bite velue. Ouais, on dirait trop une bite. Ça ressemble trop à une bite ce son. Une bite ou une chatte velue. Une chatte. Velu, c'est sûr. c'est là, c'est là. Ben vous y êtes, vous avez vu. Des poils de cul en macro. Via le son. Le son de mon anus. Je vais pas m'exprimer pour l'anus des autres, je voudrais pas prendre toute la couverture non plus, mais... L'anus, oui, le son de l'anus, c'est vraiment le plus beau son du monde. Attention avec le micro rouge. Attention. Ah, j'ai mis trop de basse. J'entends plus ce que tu dis. Tu veux bien parler dans le micro parce que si tu veux me dire quelque chose, tu peux me le dire, mais à l'antenne, s'il te plaît, quoi. J'aimerais te dire que t'es qu'un enfant de salaud. Que ta mère aimait les excréments comme ce que tu es à l'instant présent. Tu es une putain de merde. Distillé de génération en génération. Tu as été coupé à la pisse. Une élite merdique. De la merde glisse. Coupée à la pisse, c'est de la merde liquide. C'est du sport en sirop. À force d'avoir de la chiasse et à ne pas connaître les produits médicaux, ta mère s'est mise à te couler partout de tous ses orifices et il en restait dans son vagin. Dans son vagin, putain de merde, non. T'as mis l'ébauche, pas dans son vagin. À la va-vite. Non, pas dans son et vagin. Fini avec un fil vite. Elle t'a chié du vagin. Elle t'a chié du vagin. Pas la vaginite. Oh non, c'est terrible. C'est terrible. Et la pécole. Le reste de champignons. La peau du cul qui colle. Et l'anus se dilate. Ah, le fromage de queue. Car elle aimait t'accoucher. Elle a joui en t'accouchant. Tu es une grosse merde. Le fromage de queue de papa. Une grosse merde qui a été biologiquement modifiée. Maman, tes pertes blanches, tes pertes rouges, tes pertes noires même. Oh que je t'aime, maman. Elle t'a abîmé. Une merde souillé. Abîmée. Tu es une merde abîmée. Une virgule de merde sur ton front. Tu es marqué. Demande-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Dessine-moi un mouton. Tu veux savoir qui tu es? Tu veux savoir à quoi tu ressembles? Tu veux savoir d'où tu viens? Pose-moi ces questions et je te dirai qui tu es. Dessine-moi un mouton. Je te niquerai le mouton et je te dirai que tu es une grosse merde. Demande-moi, tu verras. I got lib, man. I got lib for you. Je parle de fuck, man. I got something else to do. I want to fuck you all. Gonna manage to. There we are. Now we're together. We're together now. We are together in a passionate hell. There's nothing to live for. It's all gone. God damn it. God damn it. I knew we were almost there. I mean, on y était presque. C'est con. C'est vraiment très con. On aurait pu y arriver. Si seulement on s'y était mis à temps. C'est con qu'on ait cramé la planète comme des merdes. Oh, on est vraiment trop con, mais on savait pas. On savait pas. Désolé, excuse-moi. Mais tu sais, ta planète, tu peux te la garder. Moi, je voulais pas de ta vie de merde, enculé. C'est une putain de punition, cette vie. Merde. Non, mais... Qu'est-ce que vous croyez que je vais pas le dire, c'est ça, hein? Vous allez plus me couper en plus, je peux même... Plus fort dans les aigus, on n'entend rien, là! Plus aigu! Pas plus fort, mais plus aigu! T'entendras plus rien si c'est plus aigu! Plus, encore plus aigu, là! Ah ouais! Là, c'est bon, là! Là, on sent la vibration, là! On sent l'émotion, là! C'est bon, ça! Ah, putain! Ah, bordel de merde. Et puis, toi, à payer ton loyer, celui-là, hein. Putain de bordel à queue de merde. Ah, et puis bon, On y était presque, hein. On a failli y arriver, là, mais... Et moi, il nous reste qu'un quart d'heure pour y arriver, on va pas y arriver. Vais-je parvenir à la jouissance? Tu préfères? Jouir? Jouir? Non, le premier. Jouissance. Tu aimes la jouissance? J'aime beaucoup jouer sans. Vous êtes sur Jouissance Sonore 92.2 avec Mohamed, le Mohamed de la justice. Salamed. Beaucoup. Je suis associé avec... Donnez votre nom, votre prénom et votre carte d'identité. Tiens, voilà, je te donne mon nom. Je t'appelle Momo, c'est ça, hein. Catherine Kayam. Mayark. For in one. Mayark. Tu t'appelles Momo, c'est ça, Mohamed? Momo. Ouais, tes papiers, s'il te plaît. Quoi? Tes papiers, je t'appelle Momo, c'est ça? Je suis le présentateur. Tes papiers. Je suis le présentateur de la télé. Là. J'en ai rien à foutre, passe-moi tes papiers, espèce d'arabe. Non. Je te passe pas mes papiers. Bah, tu t'appelles pas Momo, alors. Non. Tu t'appelles Robert, c'est ça? Robert j'ai... U. J'ai pas mes papiers. U. Non. Allez, fais U. U. U dada. Non. Allez, U dada. Fais pas ça. U dada. U dada. Non. C'est bien, ouais dada. Je suis pas ça. Ouais dada, U dada. Fais pas ça. U dada. U dada, tes papiers, tes papiers. Non, je veux pas. Non, non, U-dada, non, non, non, non, non, non. Tes papiers, non, je veux pas. Ma paye au chemin. Tu me plais, tu sais. T'es marocain. Yo, mes chers. T'es marocain, Mohamed. Mon cher. Je t'aime, tu sais. Je ne suis pas le monsieur. T'es marocain. Non, moi je suis. Oh, on dirait un portugais. Non, non, non, c'est pas le. Tu serais pas un peu portugais par hasard? Non, t'aurais pas des origines portugaises? C'est trop cher, c'est trop cher. Non, parce que t'as des beaux muscles. Bah, mais... Et du beau poil. Ouais. Tu bouffes des insectes. Ouais. Comme les Africains du Nord. T'es un Africain du Nord aussi? Non, c'est toi. Un Maghrébin, je crois. Non, c'est ça. T'es blanc, t'es pas bon. Tes papiers. Non, c'est toi qui es plus. Tes papiers. Non, non, tu joues de la merde. Tu t'appelles Mohamed, c'est ça? Tes papiers. Non, non, tu es une grosse. Allez, donne-moi tes papiers. Quoi? Non? Non, tu joues la piste. Dehors. Bah. M'en vais. Les Français sont accueillants. Comme une bite. Ah merde, j'ai renversé la cendre. La cendre est par terre. Oh, tout autour de la cendre, c'est vrai en fait. Thank you. J'aimerais remercier ma mère et mon père pour tant d'aventures dans cette vie. Grâce à eux, et uniquement grâce à eux et elle, j'ai pu vivre ma vie heureusement vécu. Heureux, tellement aussi heureux. Merci maman, merci papa. Je vous aime tant. J'aimerais remercier mon manager, mon producteur, l'argent, et Dieu aussi, beaucoup Dieu, Dieu, beaucoup. Je remercie Dieu beaucoup, beaucoup de chance, grâce à Dieu, beaucoup de chance. Merci Dieu. La chance, c'est Dieu. Dieu, c'est la chance. J'aime la chance. J'aime Dieu. J'aime le fric. Vraiment beaucoup de chance. Merci. There's certainly something happening here. We observe the people being people, which are things that are alive, moving along such walls as they form for each other. Nous observons les murs. Les murs tantôt animés, tantôt inanimés d'une vie moribonde. Et pourtant voulu comme prévu, comme planifié, comme je serais tenté de dire, planningé. La famille est un plan de société. C'est prémédité. La famille, c'est prémédité. Thank you. Vous êtes en arrivance pour la gare de Lille-Flandre. Pourtant, en provenance de Toulouse, vous êtes paumé. Vous croyiez à Marseille et vous êtes pourtant arrivé à Lille-Flandre. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien foutre là? Vous vous le demandez en écoutant cette radio sur votre portable. Oh, pauvre de vous qui êtes paumé à Lille-Flandre. Ce n'est pas Toulouse, ce n'est pas Marseille, c'est Lille. Merde. Sur le quai numéro 2, vous pouvez voir un cadavre de Clodo en train de pourrir, car personne n'a voulu lui filer 2-3 euros pour qu'il survive. Quel imbécile! Je veux dire le monde. Putain, y'a pas moyen d'avoir à boire ici. Hein. Vous croyez où? À l'hôtel? Servez-moi à boire!

Thank you. Bon, ben, un petit dernier Larsen pour vous ce soir dans Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Nous sommes le 24 février 2012, plus que 10 mois avant la fin du monde, enfin 10 mois moins 3 jours, oh déjà, enfin, pitié, pitié de nous Seigneur. Donc tout ça pour vous dire que l'émission Nuisance, eh bien, touche à sa fin. Comme tous les vendredis, il y a un début de l'émission Nuisance. Un milieu vers 22h et une fin vers 23h, le début ayant été vers 21h. Bonsoir.